À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Cahouette Thériault et Associés, c'est Sénat d'Aigreffe de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population. Et rappelle d'être prudent en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appâtage, contactez le 418-24-78 ou encore le 275-51-51. Une nouvelle hier, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un joueur natif de Dolbeau-Mistassini va participer à un camp d'évaluation de la Ligue nationale de football. C'est vraiment une nouvelle exceptionnelle. Shane Gauthier, qu'on a parlé régulièrement, on sait que c'est un haut choix au repêchage dans les Canadiennes. Mais là, maintenant, il va aller à Baltimore à la fin juillet. Question de savoir comment il a reçu son invitation. On lui parle. Salut, Shane. Shane, comment ça a fonctionné, ton invitation? Ben, en fait, c'est pas une invitation qui est faite par eux. C'est moi qui fais Un certain contact pour participer à ce camp. OK. Puis ça, il y a combien de joueurs de football qui vont aller là? Ah, il va en avoir beaucoup. J'ai pas exactement le nom exact, mais tous les joueurs éligibles, mettons, au draft, mais qui sont pas dedans, peuvent aller faire ce camp. OK. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont atteint la NFL et qui ont participé justement à ces combines-là, ces tests d'habileté-là, puis qui ont un peu comme toi, qui ont payé puis qui ont atteint à tout le moins l'équipe d'entraînement, si ça a déjà arrivé? Ben, en fait, Danny Groux, qui joue au Rougeur avant, qui joue maintenant pour les Eskimos de Edmonton, a fait ses camps. OK. S'est fait offrir un essai avec les Giants de New York. OK. Puis, finalement, n'a pas été pris. Mais il y a beaucoup de joueurs qui participent à ce camp. OK. Camps. Comment vous allez être, à peu près? Le nombre exact, je peux pas, j'ai pas vraiment conscience de ça, je sais pas vraiment. OK. Les tests d'habileté, on voit ça, ceux qui sont abonnés à NFL Network savent de quoi je parle, c'est trois semaines après le Super Bowl normalement, c'est pas un spectacle télévisuel très très intéressant, mais est-ce que c'est les mêmes tests au Combine régional qu'on va voir au Combine national, qu'on voit à NFL Network? Oui, c'est sensiblement les mêmes tests. Par contre, moi, au Regional que je vois, il n'y a pas de bench press. Il n'y a pas d'un contre un non plus. Okay. Il n'y a pas d'entrevue non plus. C'est seulement des tests de position, comme moi, les secondaires. Puis il y a le fameux 40 le T-test qu'on appelle. Okay. Ces deux tests-là sont là. Puis, sinon, le reste, c'est tous des exercices de position pour voir nos habiletés. OK. Shane, la marche va être longue pour la NFL. Qu'est-ce qui t'a motivé à payer et s'en aller à Baltimore, puisque c'est quand même pas à côté, là, puis d'aller à ce camp-là? Qu'est-ce qui te motive, en fait? C'est-tu d'arriver puis de dire, ben, je peux au moins, à tout le moins, me pratiquer comme il faut, puis je sais à quoi m'attendre pour les vrais combines dans les Canadiennes? C'est-tu ça vraiment que tu vises? Oui, ça va m'aider probablement pour ma préparation pour la Ligue canadienne. Okay. Mais non, je ne voulais seulement pas avoir de regrets d'habiter l'année prochaine que je ne l'ai pas accueilli quand j'ai l'occasion de le faire. Oui. on sait jamais ce qui peut arriver, n'importe quoi là-bas. Dans le fond, j'ai plus d'agonie, c'est rien là-bas. OK, OK. Dans ces tests d'habiter-là, y en a-tu que tu te sens fort? Y en a-tu que tu as des faiblesses à travailler? C'est certain qu'il y a toujours place à l'amélioration, mais non, je pense que pour ma position, c'est un gars assez rapide. Puis c'est surtout ça que je vais aller me montrer là-bas. OK, OK. Dis-moi, ces combines-là, est-ce que on peut parler de présélection un peu pour les combines qu'on voit à la télévision? C'est un peu? Moi, le camp où que je vais à Baltimore, okay. Je pense qu'il y a 5 autres camps comme ça à travers les États-Unis. Puis avec ces 5 autres camps-là, ils font une sélection de joueurs qui sont invités après ça au Super Regional, qui est, je pense, je ne sais pas les camps exactement, mais suite à tous les camps effectués, ils choisissent, ils font une sélection, puis ils invitent ces joueurs-là au Super Regional. OK, OK. Donc, c'est sur le convoi justement, là, qu'on voit à la télévision, là. OK, ouais. OK. Non, les Super Regional, c'est pas okay. Là qu'on voit à la télévision. OK. Ça, c'est vraiment, ceux-là qu'on va voir à la télévision, c'est vraiment les choix potentiels de repêchage de la NFL. Oui, exactement. Puis le Super Regional, c'est plus pour... ça permet aux entraîneurs de voir d'autres joueurs, puis de pas nécessairement se faire drafter, mais de les inviter à faire des camps d'essai. Des journées d'essai avec l'équipe pour voir le talent. OK. Foucault et Laurent Duvin-Tardif, ils n'ont pas participé à ce genre de combine régionaux? Je pense que David Foucault. Ouais, OK. Mais Laurent Duvin-Tardif, lui, a participé au Shrine. OK, Bowl, oui, c'est vrai. OK. Que Charles Vaillancourt Drouger va le 23 janvier. Oui. OK. Puis, Laurent, c'est par là qu'il y a OK. Pas. Dis-moi, donc, j'imagine qu'on va se préparer énormément là-dessus. Ça va être strictement... C'est-tu bien dispendieux, ça a été indiscret pour aller à ces tests d'habileté-là? Non, ça coûte 150 $. Ah, pas plus que ça? Pour Saint-Tuis, c'est 150, mais il y a tout le voyage... Ouais. Les hôtels, mais ça, c'est les dépenses. OK, OK. Shane, puisque je t'ai, donc j'imagine que c'est strictement, c'est ça que tu vas t'entraîner durant l'été? Pas l'été, mais l'hiver, c'est-à-dire que tu vas vraiment t'entraîner cet hiver pour ça? Oui, l'entraînement a déjà commencé, là. J'ai déjà repris l'entraînement, une remise en forme pour être à mesure en janvier de commencer mon gros entraînement. Ton programme d'entraînement change-tu? Programme. Ton programme d'entraînement, est-ce qu'il change pour en vue de ces tests d'habileté-là? Est-ce qu'il change? C'est le même entraînement? C'est certain qu'il va être plus spécifique afin de performer au test. OK. Ça va être surtout concentré là-dessus. C'est avec l'organisation du Rouge et Or que tu te prépares, je me... Il y a un préparateur physique qui est... OK, OK. Aishin, la semaine passée, on a fait le relevé de la centrale de recrutement du repêcheur canadien. Ton nom n'apparaît pas, je pense, dans les 3 premières rondes. Es-tu surpris? Tu déçu en même temps? Non, c'est pas... honnêtement, c'est pas quelque chose qui me stresse. OK. Je pense que cette liste-là, c'est une liste assez fictive. Ouais. Qui peut changer énormément suite au combine. Fait que... Je ne me stresse pas vraiment avec. OK, c'est sûr que Charles-Antoine Sinotte, qui est l'analyste des matchs à TVA Sport, m'a dit l'autre jour qu'une de tes forces, on s'en était parlé lors de ta dernière entrevue, qui va faire en sorte que tu seras repêché, c'est que tes forces, les unités spéciales, et les équipes de la Ligue canadienne recherchent des joueurs canadiens pour les unités spéciales. Puis ça, c'est un gros point pour en ta faveur. Oui, je pense que oui. Puis je pense que si les tests vont bien... Au e-camp, au combine, je pense que j'aurai des bonnes chances d'améliorer mon rêve si je suis ranké à quelque part. Ben Shane, on va suivre ça de très très près. Même si tu n'as pas été invité, tu payes. C'est quand même une belle expérience qu'un gars de chez nous qui va participer à un camp à quelque part de la NFL. Et on va s'en reparler et on va suivre ça. Shane Gauthier de Dolboom, qui va participer à un camp d'évaluation de la Ligue nationale de football.